Les deux avares, conte hébraïque. À Koufa vivait un avare qui apprit qu'il y avait à Bassora un autre avare d'une étonnante expérience dont il pouvait tirer un précieux enseignement. Il se mit en route pour aller le rejoindre et se présenta à lui comme un humble disciple désireux de s'instruire dans la grande science de l'avarice. « Soyez le bienvenu, lui dit l'habile homme de Bassora, et dès aujourd'hui nous pouvons acquérir une nouvelle instruction en allant au marché. » Tous deux s'en vont chez le boulanger. « As-tu du bon pain ? Demande l'avare de Bassora. « Excellent, réplique le boulanger, il est doux et frais comme du beurre. »« Très bien, dit à son compagnon l'ingénieux avare. « Voilà, dans cette comparaison, le beurre indiqué comme une meilleure chose que le pain. On ne peut guère manger de beurre. Nous ferons donc une économie en le préférant au pain. » Plus loin, il s'arrête devant un autre marchand et lui dit « As-tu de bon beurre ?»« Excellent, frais et savoureux comme de l'huile d'olive. » « Bien, pour faire valoir le beurre, on le compare à l'huile. Donc, l'huile est meilleure, c'est ce que nous devons choisir. » Un peu plus loin, il dit à un marchand « As-tu de la bonne huile ?»« Parfaite, claire et transparente comme de l'eau. » « Ah ! S'écrie l'avare, l'eau est donc le dernier point de comparaison. J'en ai une bonne provision dans mon logis. Venez avec moi, ajoute-t-il en se tournant vers son adepte. Nous allons nous régaler à boire de l'eau. Puisque nous venons d'apprendre que le beurre est meilleur que le pain, l'huile d'olive meilleure que le beurre et l'eau meilleure que l'huile. » « Dieu soit loué, dit l'avare de Koufa. « Je n'ai point perdu mon temps en venant à Bassora. »